Chaque année, plus de 110 millions de dons du sang sont enregistrés dans le monde, soit un volume équivalent à 20 piscines olympiques. Alors, outre l'aspect pas très appétissant de l'image, c'est en tout cas un apport encore largement insuffisant par rapport à la demande médicale qui est chaque année plus importante, notamment compte tenu du vieillissement de la population. C'est pour cela que le sang artificiel est une sorte de graal médical, un sang universel départi des problèmes de biocompatibilité que l'on pourrait produire de façon industrielle en laboratoire. C'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, et pour évoquer l'état de la recherche sur et autour du sang, et pas uniquement de la production de sang universel, mais aussi sur les tests sanguins, les biopsies liquides, les cellules souches, et j'en passe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérard Tobelem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien professeur d'hématologie à l'Université Paris 7, ancien président de l'établissement français du sang. Vous êtes aujourd'hui président de la biotech Teradiag, qui développe des méthodes de diagnostic thérapeutique. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et vous êtes également auteur d'une histoire du sang qui est publié aux éditions Perrin. Nous avons également le plaisir de recevoir Luc Douet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-professeur d'hématologie à l'Université Pierre et Marie Curie, ex-directeur scientifique de la thérapie cellulaire à l'Établissement français du sang et actuel président de la société Erifarm, qui a pour objectif la production industrielle de sang artificiel. Vous nous en parlerez aussi longuement tout à l'heure. Vous pouvez suivre, eh bien, comme chaque jour, cette émission sur les ondes et en parallèle sur notre fil Twitter que vous connaissez maintenant sur le compte @laméthodefc. Alors peut-être un petit mot d'introduction, puisque c'est un enjeu de santé publique gigantesque. On dispose aujourd'hui d'une estimation, Luc Douet, du besoin annuel en sang au niveau mondial. Alors comme vous l'avez dit, effectivement aujourd'hui on en consomme un peu plus de 100 millions, et en fait les besoins estimés seraient de 300 millions. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces 100 millions de poches sont essentiellement utilisées par les pays développés, dont nous faisons partie évidemment, et que dans les pays en voie de développement, la situation est beaucoup plus difficile. C'est une véritable course qui est engagée sur cette production massive de sang artificiel. On entend, puisque la demande est trois fois supérieure à la disponibilité. Votre équipe, Luc Douet, est justement sur les rails de cette course. Il y a aussi des équipes britanniques, japonaises. J'ai retrouvé une interview de vous qui date de 2011, où vous disiez que ce serait chose faite d'ici 3 à 4 ans. Nous sommes en 2017, qu'est-ce qui bloque ? Mais il y a des choses qui bloquaient, ce sont les moyens. Bon, les moyens sont aujourd'hui là. Et donc, effectivement, nous avançons beaucoup dans l'ultime étape qui est celle de la production industrielle. Parce que jusqu'à maintenant, nous étions dans une situation de recherche académique, partir de la science pour arriver à la recherche et développement. Et là, nous sommes dans le transfert. Donc, oui, on se rapproche, mais c'est comme le développement d'un médicament. Le développement d'un médicament prend des dizaines, voire 20 ans. Eh bien là, ça va être de cet ordre, mais on y arrive trop lentement, mais très sûrement. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure toutes ces étapes qui sont passionnantes entre les premières recherches, la recherche fondamentale sur la production de sang artificiel. On va voir qu'il y a différentes techniques, il y a différentes options. On va voir ce qui a retardé de quelques années la production, en tout cas le passage au niveau industriel. Mais avant toute chose, eh bien sûr, pour comprendre tout cela, il nous faut quelques bases techniques et théoriques. Rappeler finalement, Gérard Tobelem, qu'est-ce que c'est que le sang ? C'est vaste, c'est une vaste définition. Comment est-ce qu'on doit définir le sang ? C'est très difficile de donner une définition au sang. Claude Bernard, qui est un grand savant du 19e siècle, parlait du milieu intérieur, car le sang est un organe liquide. Nous avons en gros, pour un adulte, 5 litres de sang dans l'organisme, ce qui représente presque 5 kilos de matière. Donc c'est un organe de taille conséquente. Ce liquide va nourrir l'ensemble de nos tissus, l'ensemble de nos cellules, aller au plus près grâce à la circulation du sang. Donc rôle dans la nourriture. Il y a également un rôle dans le véhicule de nombreuses protéines et de nombreux composés qui vont servir à se défendre contre les agressions extérieures qui seraient parvenues jusqu'à la circulation. Et surtout, le sang est un marqueur de l'individu. C'est un marqueur très intime, finalement. Donc, le sang est complexe. Le sang a présenté au fil des siècles de grandes difficultés d'intégration en tant que tissu important. Avec ce paradoxe qu'on s'est rendu compte très vite que lorsque le sang s'échappait du corps, bon, la mort arrivait assez vite, mais finalement sans que l'on donne une fonction très particulière à ce liquide qui à la fois fascine et parfois révulse. Ludouet, pour compléter c'est effectivement très très difficile, oui, de définir exactement ce qu'est le sang. Le sang est le moyen de circulation entre les différents organes et tissus de notre corps. Et effectivement, il oxygène, il nourrit, il élimine, il défend. On peut dire en tout cas quelque chose de certain, c'est que c'est un organe extrêmement efficace, puisqu'on le retrouve dans l'évolution absolument partout, chez les vertébrés et même chez certains invertébrés. Gérard Tobelheim. Oui, tout à fait, absolument, on le retrouve. Et un autre élément soulignant son importance, dans le développement embryonnaire, lorsqu'un embryon se forme, la première structure que l'on peut détecter dans cette masse de cellules que constitue l'embryon primitif, ce sont les structures à la fois de production des globules et des vaisseaux qui permettent la circulation de ces premiers globules qui vont être fabriqués. Et ça, c'est une très vieille observation, puisque il y a 25 siècles, Aristote avait déjà fait cette observation. Est-ce qu'on a une idée, justement, en termes évolutifs, des premiers organismes qui auraient montré des traces de sang? Alors, on sait que c'est très difficile, parce que ça ne fossilise pas précisément, mais est-ce qu'on en a une idée, Gérard Tobelheim? Moi, je n'en ai pas, parce que, comme vous le dites très justement, sur un fossile, on ne peut pas effectivement bien analyser les choses. Mais en tout cas, sur les animaux qui sont actuellement de ce monde, on retrouve des traces de sang dans plusieurs règnes et jusqu'à certains mêmes invertébrés. On a des formes très, très primitives, très primaires de circulation, de liquide en tout cas, avec des cellules ou des nutriments qui sont ainsi véhiculés. Alors pour revenir au niveau biologique, concrètement, pour passer au microscope en quelque sorte, Luc Douet, qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Il y a trois grands types de familles de cellules sanguines. Alors effectivement, le sang, c'est un liquide qui s'appelle le plasma, qui contient tout ce que l'on vient de dire, et des cellules. Et dans ces cellules, il y a les globules rouges, dont la fonction essentielle, sinon unique, est de transporter l'oxygène et d'éliminer le gaz carbonique. Ensuite, il y a les globules blancs. Il y a différents types de globules blancs, mais qui sont faits pour nous défendre. Le système immunitaire. Le système immunitaire, immédiat ou retardé. Et enfin, il y a les plaquettes, qui sont nécessaires à la coagulation. Et dans le plasma, on retrouve notamment beaucoup de ce qu'on appelle maintenant des médicaments dérivés du sang, c'est-à-dire des protéines, comme le facteur anti-hémophilique par exemple, qui participent à l'homéostasie du sang. Pour compléter, Gérard Tobelheim, sur ces cellules, sur ces souches, elles sont, sur ces trois familles de cellules sanguines, elles sont toutes produites en revanche au même endroit par les mêmes cellules. Alors la production des éléments figurés, ce qu'on dit les éléments figurés, c'est-à-dire les cellules au niveau du sang, se fait dans la moelle des os, et notamment dans la moelle des os plats. Il y a deux types de moelle, il y a la moelle graisseuse, que l'on retrouve surtout dans les os longs, et il y a la moelle rouge, qui est la moelle dite hématopoïétique, car produisant, générant les cellules sanguines à partir de cellules souches. Cette hématopoïèse, hein, la création du sang, vous venez de le dire, c'est la moelle osseuse, mais ça n'est pas toujours ça. Les premières cellules sanguines chez l'embryon, justement, très tôt, ne sont pas créées par... Et ça va être important pour la suite de notre conversation, Gérard Tobelheim. Tout à fait, parce que dans l'embryon, au départ, il n'y a pas de système osseux encore formé. Et ces premiers îlots d'hématopoïèse se forment au contact d'un vaisseau que tout le monde connaît, l'aorte, notamment dans une certaine région de l'aorte. Il y a les premiers îlots hématopoïétiques à partir desquels vont se déverser dans la circulation qui vient d'être mise en place, dans les vaisseaux qui viennent d'être mis en place, vont se déverser les cellules sanguines. Luc Douet ? Oui, et ensuite, durant l'évolution, chez le fœtus, ça se passe dans le foie, dans la rate, et chez l'adulte, ça se passe dans la moelle osseuse. Donc il y a tout un processus évolutif de ce type. Et tout ça pour aboutir à une production d'un type de cellules dont vous parlez, qui sont les cellules souches hématopoïétiques, mm-hmm. qui ont la caractéristique de donner naissance à toutes les cellules du sang, c'est ce qu'on appelle des cellules multipotentes. Et l'autre caractéristique, c'est d'être capable de maintenir constant leur stock. Parce que évidemment, si une cellule se différencie, elle finit par mourir. Et si parallèlement, il n'y a pas une autre qui s'auto-renouvelle pour maintenir le stock, on mourrait tous les matins. Gérard Tobelem ? C'est finalement l'hématopoïèse qui a servi pour la conception, en termes de concept d'abord, puis au plan expérimental, pour la mise en évidence des cellules souches. Les premières, la notion de cellules souches, c'est vraiment faite dans cellules souches adultes, j'entends, au niveau de l'hématopoïèse, et ceci il y a presque une cinquantaine d'années maintenant. Oui, parce que ce qu'on sait, Luc Douet, ce qu'il faut préciser, c'est que ces globules rouges, ces globules blancs et ces plaquettes ne sont pas éternels, ils sont renouvelés tout au long de la vie. Alors, chaque cellule a effectivement une durée de vie limitée, alors parfois très longue. Bon, le globule rouge vit en moyenne 120 jours, le globule blanc à peu près 3-4 jours, et la plaquette une semaine. Et certains globules blancs vont durer 3-4 jours, les polynucléaires, tandis que des lymphocytes vont vivre pendant 10 ans pour être la mémoire de notre immunité. Et parfois plus, hein. C'est le principe de la vaccination, on va pas revenir dessus, on a déjà raconté tout ça. Gérard Tobelem. Oui, ce qui pose le problème immédiat, pratique, pour la transfusion, ce qui nécessite effectivement d'avoir des donneurs de façon extrêmement régulière, dans la mesure où les cellules sanguines ne peuvent pas être conservées indéfiniment. Les plaquettes sanguines, on ne peut les conserver que 5 jours. Donc il nous faut des donneurs en permanence. Alors il y a eu, au moment des attentats de Paris, il y a eu effectivement un afflux par le côté très justement émotionnel. Voilà, il y a eu un afflux de donneurs et certains ont été refusés parce que à partir du moment où le stock est complètement restauré, saturé, oui. Il ne faut plus prendre de dons parce que sinon on va gâcher du sang en quelque sorte. Et ce qu'il faut dire aux donneurs, c'est que l'important, c'est de venir régulièrement et pas par à coup. Luc Douet. Alors, effectivement, il est difficile, sinon impossible, de conserver en pratique très longtemps des cellules du sang. Mais en revanche, il est possible de conserver indéfiniment des cellules souches. Et donc, quand on abordera concrètement le sujet, on verra que là effectivement, on peut avoir une source immuable. Il y a un autre mot, c'est peut-être aussi quelque chose d'important, parce que pour rendre ça un peu concret, donc il faut dire que dans le sang, donc c'est à peu près 45% de cellules sanguines, 55% de plasma. Peut-être dire que l'écrasante majorité de ces cellules sanguines, ce sont les globules rouges. Ce sont les globules rouges, effectivement, qui représentent 40% de l'ensemble du sang. Et ce qui veut dire que la moelle osseuse est une usine absolument fabuleuse qui va produire chaque jour 800 milliards de cellules, ce qui est inégalé au niveau du corps humain. Et puis, quand on parle du sang, il faut parler d'un des problèmes majeurs que nous allons rencontrer tout au long de cette heure, et notamment dans la question du sang. Pourquoi parle-t-on de sang universel ? Parce que le sang est différencié. Parce que il y a un système extrêmement complexe, basé sur les groupes sanguins et sur les rhésus. Peut-être un mot, Gérard Tobelem, là-dessus. Pourquoi finalement, quel sens ça en termes évolutifs d'avoir du sang différencié, que le sang ne soit pas universel ? Pourquoi est-ce qu'on a chacun un sang qui est différent de l'autre ? Comme on le disait tout à l'heure, le sang va refléter la marque de l'individu. Et cette marque de l'individu, elle va se concrétiser au travers des groupes sanguins et de ce qu'on appelle les groupes tissulaires, les groupes HLA. Les groupes tissulaires que l'on retrouve plus volontiers sur les globules blancs, les groupes sanguins étant plus volontiers sur les globules rouges. Alors nous avons une grande diversité de ces groupes sanguins, effectivement, et comme un héritage en quelque sorte des parcours géographiques que l'homme a connu depuis sa grande migration à partir de l'Afrique. Il y a certains groupes, qu'ils soient HLA ou groupes sanguins, mais très peu, qui ont une fonction précise pour la cellule. Et puis d'autres qui sont là simplement comme une marque. Quels sont les groupes qui ont des fonctions précises, par exemple ? Je ne les ai plus en tête, là, moi, personnellement. Ce sont des groupes rares, érythrocytaires. Voilà, d'une façon générale, ce sont des protéines qui sont dans la membrane et qui permettent les échanges entre la cellule et le plasma. Donc, effectivement, si le système rhésus... On peut générer par manipulation génétique ce qu'on appelle des rhésus nuls, mais à ce moment-là, la cellule ne sera pas viable. Et un mot encore aujourd'hui, on sait, alors on sait qu'il y a des groupes sanguins qui sont très courants, le groupe A, effectivement en fonction de zone géographique, par exemple le groupe A est très courant en Europe, en France particulièrement, en France, mais on va retrouver beaucoup plus de groupes O dans d'autres régions du monde, beaucoup plus de groupes B ou AB dans d'autres régions du monde, et encore une fois ceci est lié aux migrations que l'espèce humaine, des groupes humains ont migré dans des directions différentes, et ces groupes humains s'étant effectivement reproduits entre eux, ils ont transmis de façon génétique des groupes particuliers. Luc Douet. Mais ce qui veut dire d'une autre façon, c'est que tout le monde a les mêmes systèmes de groupes sanguins, mais pas répartis quantitativement de la même façon. Et il faut rappeler, ce que tout le monde sait certainement, mais ça c'est toujours mieux de le rappeler, que les O sont des donneurs universels alors que les AB sont des receveurs universels. Tout à fait. Et il y a eu par rapport à ça ce qu'on a appelé à un moment une hématologie géographique. L'hématologie géographique, deux grands hématologistes, mon maître, le professeur Jean Bernard, et puis un autre hématologiste avec lequel il a travaillé, Jacques Ruffier, ont effectivement essayé d'accrocher à la géographie des groupes humains des particularités au niveau du sang. Donc on les retrouve pour les groupes sanguins, on les retrouve pour certaines maladies hématologiques. Vous parliez de drépanocytose. On retrouve effectivement la drépanocytose dans certains continents et pas du tout dans d'autres. Une autre maladie de l'hémoglobine qui s'appelle la thalassémie, que l'on retrouve également beaucoup dans certains continents, certaines régions du monde et pas d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout de même, pour conclure sur ce, qu'on comprenne bien, parce qu'on va voir que ça va être très important au moment de la production justement de sang artificiel, pourquoi est-ce que si moi qui suis par exemple A+, que se passe-t-il dans mon sang si je reçois du B? Parce que la nature est faite de cette façon qu'elle produit des anticorps contre les antigènes qui lui sont étrangers. Alors que ce soit un globule ou une bactérie, ça se passe de cette façon. Donc globalement, voilà la raison, c'est que lorsqu'on a introduit dans la circulation un antigène qui n'existait pas, on produit des anticorps. Alors on c'est reconnu comme une once. Voilà. Alors il y a effectivement le système ABO est un peu particulier puisqu'il y a des anticorps naturels, indépendamment de toute immunisation, qui font la caractérisation. On ne va peut-être pas rentrer dans ce détail. Pourquoi pas, mais Gérard Tobelem. Oui, c'est ce que je voulais souligner, c'est la particularité du système ABO. Et ça, c'est apparu dès la découverte des groupes sanguins en 1900 par cet Autrichien, Karl Landsteiner, qui a tout simplement dans son laboratoire, auprès de ses techniciens, prélevé du sang, le sien aussi. Ils étaient 5 ou 6 à ce moment-là dans la publication Princeps, et il a mélangé les sangs un à un. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait ce phénomène d'agglutination, alors même qu'il n'avait jamais reçu de transfusion. Donc il y a bien de façon innée, de façon naturelle, des anticorps contre le groupe ABO que nous ne possédons pas. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h18, c'est sur France Culture. La méthode scientifique est consacrée aujourd'hui au sang. Et nous sommes en compagnie de deux hématologues de renom, Gérard Tobelem et Luc Douet. Maintenant que vous savez tout, qu'on vous a rappelé, le cas échéant, ce que vous ne saviez pas sur les rhésus, sur les groupes sanguins, sur la nature de la composition de notre sang, et bien maintenant nous allons pouvoir sortir du corps humain et pour aller jeter un œil in vitro à la recherche en laboratoire. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut de biologie parisienne à l'UPMC pour comprendre comment on fabrique des cellules sanguines. Oui, alors pour arriver à fabriquer des cellules sanguines in vitro, il faut comprendre comment le corps en fabrique naturellement. L'équipe de Thierry Jaffredo étudie la formation des premières cellules souches du sang, les cellules hématopoïétiques. Ce sont les précurseurs des cellules sanguines qu'on retrouve chez l'embryon dans l'aorte. Et en recopiant le processus de fabrication, il est possible de les cultiver en masse pour obtenir du sang. Alors les applications ne sont pas pour tout de suite au niveau thérapeutique, parce que les études actuellement portent sur les embryons de poulet et de souris. L'hématopoïèse au niveau de l'embryon, c'est la formation des premières cellules hématopoïétiques qui se produisent très tôt au cours du développement embryonnaire. Et nous, ce que nous étudions, c'est la formation des premières cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire les cellules fondatrices du système hématopoïétique définitif que l'on va retrouver chez l'adulte. Nous essayons de mimer en culture ce qui se passe dans l'aorte Et donc nous avons réussi à établir un modèle en culture de cette transition endothélio-hématopoïétique. Et vous allez voir donc cette plage de cellules qui est ici. Ce sont des cellules toutes plates. Et ça, ce sont des cellules endothéliales qui ont en fait acquis en culture cette capacité à donner des cellules hématopoïétiques. D'accord ? Et ce que vous allez voir, en fait, ce sont des vidéocinématographies au cours du temps, là sur une quinzaine d'heures de mémoire. Et vous allez voir que plusieurs cellules individuelles toutes plates vont changer de forme et vont acquérir une forme toute ronde pour à la fin donner des cellules hématopoïétiques. Voilà, donc vous voyez, donc vous avez des cellules individuelles qui vont être marquées par ces petits cercles ici. Et vous voyez qu'elles changent de forme, mais en réalité ça prend quelques heures. Et pendant ces quelques heures, elles changent totalement de forme. Et vous voyez qu'à la fin, celles qui ont donné ces cellules rondes ont disparu de la culture plate et ont donné ces cellules rondes qui maintenant sont parties. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui mime totalement ce qui se passe au niveau de l'aorte. Ici, dans ce laboratoire, vous travaillez sur des modèles animaux, des souris. Est-ce qu'on peut dire que c'est des résultats qu'on peut appliquer à l'homme ? Alors, l'idée, c'est d'utiliser des modèles animaux, voire des modèles en culture, éventuellement. Ce qui se passe chez l'homme, pour ce qui nous intéresse, entre 27 jours et 40 ou 39 jours, 40 jours de développement, ressemble absolument à ce qui se passe chez un embryon de poulet entre 3 jours et 4 jours de développement, ou un embryon de souris entre 10 jours et demi et 11 jours et demi de développement. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'aller dans ces mécanismes intimes pour bien les comprendre et pour pouvoir ensuite les appliquer pour faire des cellules souches hématopoïétiques qui greffent et qui peuvent constituer en fait un produit thérapeutique applicable à l'homme. Oui, je vais vous montrer à quoi ressemblent en fait ces premières cellules souches hématopoïétiques dans l'embryon et qui va vous montrer en fait la grande conservation de ces mécanismes dans les différentes espèces. Voilà, donc ça c'est une photo des coupes transversales d'embryons de différentes espèces. Ici vous avez un embryon d'oiseau, un embryon de souris, un embryon humain, un embryon de xénope, qui est un gros crapaud africain. Et ce que vous voyez donc ici, ces aortes sont évidemment à différents âges dans les embryons, mais ce que vous voyez, c'est des choses qui sont très stéréotypées. Toutes ces petites cellules rondes que vous voyez dans la partie ventrale, hein, donc ce qu'on appelle le plancher de l'aorte, ce sont des cellules hématopoïétiques qui ont été produites par des cellules endothéliales préexistantes, qui ont été elles-mêmes instruites au cours du développement pour produire des cellules hématopoïétiques au travers d'un processus qu'on appelle une transition endothélio-hématopoïétique. Donc les cellules endothéliales toutes plates vont, sous l'influence de signaux... Des signaux qui proviennent de l'environnement... Des signaux qui proviennent exactement de l'environnement immédiat de ces cellules. Elles vont changer d'identité, elles vont complètement modifier leur devenir. Elles sont toutes plates au départ, elles vont devenir toutes rondes et elles vont perdre leur identité endothéliale et elles vont progressivement acquérir une identité hématopoïétique. Et là, les cellules vont aller migrer vers le foie, voilà. au stade embryonnaire ? Oui. Leur production au niveau de l'aorte est relativement courte dans le temps et toutes ces cellules vont partir dans la circulation et vont rapidement atteindre des sites d'amplification. Et chez les mammifères, le site d'amplification principal, c'est le foie fœtal, où là, elles vont se nicher, pareil, dans un micro-environnement particulier qui va avoir pour rôle de les amplifier, d'une part, et de les faire maturer, d'autre part. Et lorsque cette amplification et cette maturation sont terminées, ces cellules vont quitter le foie fœtal pour aller se loger dans la moelle osseuse de manière définitive, au moment où la moelle osseuse, elle, est elle-même en formation. Là, vous me parliez d'essais thérapeutiques. Est-ce qu'avec les recherches fondamentales, vous arrivez à pouvoir synthétiser des tissus qui pourraient servir à d'autres équipes dans des cliniques ? Alors oui, enfin la réponse est peut-être un peu prématurée, mais donc on a un joli travail en collaboration avec l'équipe de Luc Douet. Donc nous utilisons des cellules pluripotentes induites humaines, donc c'est les fameuses cellules reprogrammées à partir d'individus, d'humains, et nous les orientons des cellules qui ressemblent aux cellules endothéliales que nous avons dans l'aorte. Donc nous arrivons à reprogrammer ces cellules vers la voie endothéliale hématogène, donc des cellules endothéliales capables de donner du sang, d'accord, et ces cellules reprogrammées en endothéliale hématogène sont capables de donner des cellules hématopoïétiques. Alors, on en est encore au balbutiement, mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous greffons ces cellules-là dans des souris réceptrices immunodéficientes, ces cellules greffent parfaitement, donnent une production multilignage, c'est-à-dire les différents lignages du sang, et sont capables de se maintenir d'un premier d'une première souris réceptrice à une deuxième souris réceptrice, voire une troisième souris réceptrice. Donc là, on a fait des tests sur plus de 40 semaines. Et plus de 40 semaines, on a un maintien à la fois de la production multilignage et de l'auto-renouvellement des cellules. Voilà le reportage du jour sur la création, la fabrication de ces cellules sanguines. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre, Gérard Tobelem. Oui, ce qui est passionnant, c'est que finalement, les cellules hématopoïétiques, comme les cellules vasculaires, puisque ce qu'on vient d'entendre, les cellules endothéliales, qui sont les cellules vasculaires, proviennent d'un même précurseur qu'on a appelé, qu'on appelle toujours, les mangioblastes. Mmh. C'est-à-dire que finalement, le système circulatoire par lequel le sang va circuler et le système hématopoïétique qui va produire les éléments figurés du sang proviennent de la même cellule souche génitrice. Ouais, embryonnaire. Luc, tu veux ? Oui, alors ce que montre très bien ce reportage, c'est l'importance de la recherche fondamentale pour aboutir à une application clinique. Alors c'est un continuum indispensable et les recherches doivent se passer chez le poulet effectivement à un moment pour arriver ensuite chez l'homme à être capable de contrôler l'hématopoïèse pour lui faire faire uniquement des globules rouges, par exemple, tel est notre objectif. Et aujourd'hui, l'une des sources idylliques, le mot n'est pas trop fort, de cellules souches, ce sont les cellules souches pluripotentes induites, qui a valu le prix Nobel à Yamanaka en 2012, pour une découverte faite en 2006, ce qui montre vraiment le côté révolutionnaire de la chose. Et bien aujourd'hui, on sait faire, à partir de ces IPS, n'importe quel type de cellules souches, sauf les cellules souches hématopoïétiques. C'est pour ça que le travail que nous faisons avec Thierry Glafredo est extrêmement important, parce que aujourd'hui, cela montre la complexité de la cellule souche hématopoïétique, puisqu'on a réussi pour tous les autres, et pas pour cela. Alors, il faut rappeler en deux mots ce que sont ces cellules IPS. Ce sont des cellules que on va vous mettre le lien sur le fil Twitter, parce qu'on avait consacré une émission entière à cette problématique des cellules souches. Les cellules souches IPS sont des cellules qu'on a réussi à faire régresser dans un état hanté. En quelques mots, le côté remarquable de cette découverte, c'est qu'en prenant n'importe quelle cellule spécialisée de peau, à cheveux, on peut, en réactivant quatre gènes particuliers, conférer à cette cellule de nouveau les propriétés d'une cellule embryonnaire et ensuite lui faire faire le tissu que l'on veut. Sauf. Et donc, par exemple, un neurone. De la peau, du foie, sauf une cellule souche hématopoïétique, mais on n'est pas loin. Ça va bientôt arriver. Racontez-nous tout de même aujourd'hui précisément l'état de nos connaissances à ce sujet. Est-ce qu'on sait pourquoi les cellules IPS ne peuvent pas redevenir des cellules hématopoïétiques? Non, si on savait pourquoi, on aurait réussi. Est-ce qu'on a des pistes? On a des pistes qui tournent autour de ce qui vient d'être dit, entre l'origine endothéliale, l'origine hématopoïétique et la transition entre l'endothélium et l'hématopoïèse. On est vraiment plein dans le sujet. Et effectivement, aujourd'hui, certaines équipes ont été capables, ça a été cité dans le journal de Nature, ont été capables de générer des cellules souches hématopoïétiques après avoir modifié génétiquement certaines cellules, ce qui est assez loin d'une application thérapeutique. Mm-hmm. L'objectif maintenant est d'arriver à identifier, grâce simplement à des marqueurs, cette population de cellules souches hématopoïétiques. Vous voulez réagir ? Oui, simplement, c'est un peu finaliste que je vais dire, mais bon, tout se passe comme si la cellule souche hématopoïétique, c'est bien ça, avait besoin finalement de venir de cette cellule souche vasculo-hématopoïétique, comme si elle avait besoin d'être assurée que des vaisseaux seraient là pour qu'elle puisse circuler. C'est très finaliste et ça n'a pas bien sûr de... Ce n'est pas l'explication, mais c'est une façon de retenir. Le finalisme a du sens là-dedans. Alors, on va parler dans quelques instants des autres problématiques qui sont liées. Vous allez voir qu'elles sont riches et qu'elles sont complexes autour de cette production de sang industriel. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Feel and a look away would not be rough. But we started rough, and you turn away from the thing that looks upon your face. Say I'm what I seem to be, and we're left with something torn between. A moment's love can be forgotten, but a moment's hate stains our cloth. 16h31 sur France Culture, Bad Blood de Simian Mobile Disco, puisque nous parlons du sang tout au long de cette heure, en compagnie de Gérard Tobelem, ancien professeur d'hématologie à l'Université Paris-Siat, ancien président de l'établissement français du sang. Vous travaillez maintenant dans une biotech qui s'appelle Teradiac, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et Luc Douet, ancien professeur d'hématologie également à l'UPMC et président actuellement de la société Eripharm, dont vous allez nous parler tout de suite, puisque on l'évoquait au tout début de cette émission, la compétition internationale fait rage hein, pour être les premiers à être en mesure de produire du sang artificiel à l'échelle industrielle. Luc Douet, vous et vos équipes travaillez d'arrache-pied hein, sur ce sujet. Vous êtes d'ailleurs les premiers à avoir réalisé avec succès une autotransfusion de globules rouges obtenue par culture cellulaire. Peut-être nous dire un mot sur cette réalisation déjà. C'était il y a cinq ans. En 2010-2011, nous avons prélevé des cellules souches hématopoïétiques chez un donneur. On les a fait passer de la moelle osseuse dans le sang. On les a collectées dans le sang. On a fabriqué en laboratoire des globules rouges que l'on a marqués et que l'on a ensuite réinjectés à ce même donneur de cellules souches pour pouvoir mesurer la durée de vie de cette population que nous avions générée, alors en petit volume, il n'en était pas encore à la production industrielle. Et la conclusion majeure a été que ces globules se comportaient non seulement très bien, non seulement aussi bien que les globules natifs que la nature fabrique, mais que en plus cette population de globules que nous fabriquons, qui est jeune, et de façon homogène, cette population a une durée de vie qui est deux fois supérieure à une durée de vie d'une population classique qui est faite d'un mélange de jeunes et de vieux globules. Mmh. Et c'est donc tout d'une transfusion classique. D'une transfusion classique, voilà. Donc le rationnel, la preuve de concept a été démontrée. Et pour arriver là, ça nous avait quand même pris une quinzaine d'années, partant du fondamental, arrivé à la souris, chez l'homme, l'essai clinique. Et donc maintenant, effectivement, la dernière étape, pour que ça ait du sens, c'est que l'on puisse produire industriellement ces quantités considérables, parce que je rappelle simplement que dans une poche de sang transfusée aujourd'hui, il y a la bagatelle de 2000 milliards de globules rouges. Mmh. Donc le défi est considérable, il est quantitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre application de la thérapie cellulaire qui nécessite une production de volume aussi important. Et parce que tous les problèmes hein, aujourd'hui que rencontrent les équipes internationales qui travaillent sur ce sujet, c'est précisément un problème de rendement. Est-ce que vous venez nous expliquer aujourd'hui où ça bloque encore et surtout quelle est la piste de travail que vous avez privilégiée, la piste de recherche qui est la vôtre? La question de fond, c'est le choix des cellules souches dont on veut partir. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix. Historiquement, nous avions les cellules souches hématopoïétiques, on en a longuement parlé. Ensuite sont apparues quelques années plus tard les cellules souches embryonnaires qui ont les potentialités que nous avons évoquées mais avec effectivement certaines limitations dans l'utilisation. Mmh, et puis avec toutes les contraintes éthiques de l'utilisation de cellules souches embryonnaires. Et ensuite sont arrivées les cellules souches pluripotentes. Mmh. La problématique de ces cellules souches pluripotentes, c'est que si sur le papier c'est vraiment le Graal, une lignée qui va produire en continu des globules, aujourd'hui, on arrive, deux choses sont limitées, la prolifération de ces cellules, parce qu'en fait, elles ne sont plus naturelles. Elles ont été bricolées, alors même si c'est un bricolage de génie, elles sont quand même pas dans une situation initiale. Et ensuite, ces cellules n'ont pas une capacité de se différencier en globules rouges aussi importante qu'on le souhaiterait. Parce que, on l'a pas dit encore, mais le globule rouge a une particularité extraordinaire, c'est que c'est la seule cellule de l'organisme qui n'est plus de noyau. La plaquette est une cellule un peu différente, mais qui n'a plus de noyau. Donc il faut pouvoir reproduire en laboratoire ce phénomène, et on a du mal à le reproduire à partir de cellules souches pluripotentes, alors qu'on arrive parfaitement à le reproduire à partir de cellules souches hématopoïétiques adultes. Alors j'aimerais juste comprendre Luc Douet, puisque vous nous disiez tout à l'heure que les cellules reprogrammées, les cellules IPS ne pouvaient pas être programmées précisément en cellules hématopoïétiques. Quand vous parlez de cellules pluripotentes, de quelle cellule parlez-vous? Alors on peut partir de n'importe quelle cellule, puisque on peut à partir de n'importe quelle cellule de la peau en faire une IPS et cette IPS lui faire refaire ensuite une différenciation jusqu'au stade de globule rouge. Ce que l'on n'arrive pas à choper, c'est l'intermédiaire, c'est la pluripotence Hématopoïétique. Vont donner toutes les lignées. Et ça, c'est encore très difficile, mais bon, beaucoup d'équipes, dont la nôtre, y travaillent. Quels sont, aujourd'hui, vous, alors je le disais, c'est évidemment toujours un peu cruel, et je ne voudrais pas être cruel avec vous, Luc Douet, au contraire, mais c'est vrai qu'on lit depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années dans la littérature scientifique, l'idée qu'on y est presque, que c'est là, que c'est au bout de l'année suivante. Loin de me vexer, vous me faites plaisir. Parce que, effectivement, lorsqu'on a lancé cette idée il y a 20 ans, c'était une idée saugrenue. Aujourd'hui, c'est devenu d'accord, mais c'est pour quand? Et effectivement, on s'en rapproche parce que il fallait pouvoir disposer de moyens techniques de produire industriellement. Et donc, ça, on sort du cadre académique et on rentre dans un cadre de développement industriel. Donc, maintenant, un certain nombre d'équipes dans le monde ont franchi ce cap. Et effectivement, on peut considérer qu'il y a une petite dizaine de concurrents acharnés, parce que le besoin est là. Alors, cette recherche, elle ne date pas d'hier. Vous venez de le dire, hein, il y a de la recherche fondamentale à l'origine. Vous n'êtes pas les premiers à avoir tenté de produire des cellules sanguines in vitro, et parfois avec des intermédiaires surprenants, comme la plante de tabac. Écoutez, cette archive, ça date de 1997. Cette poudre noire, ce sont des graines de tabac. Et si on les plonge dans l'azote liquide, si on les malaxe, si on les broie, si on les concasse dans ce mortier, c'est pour en extraire de l'hémoglobine. C'est le dernier exploit des biologistes. L'hémoglobine, normalement, on la trouve pas n'importe où, mais dans les globules rouges. Son rôle, c'est d'accrocher l'oxygène lorsque le sang passe près des poumons. Cet oxygène est ensuite libéré de l'hémoglobine dans les différents tissus de l'organisme, cœur et cerveau en particulier. Tout a commencé ici, chez Biosem, une société de biotechnologie. On a mis en contact des plants de tabac et le gène de l'hémoglobine humaine. On a fait pousser le tabac et au bout de quelques mois, il n'y a plus eu qu'à récolter. Et c'est à l'INSERM qu'on a extrait et purifié l'hémoglobine du tabac. Et elle s'est révélée similaire à l'hémoglobine humaine. On devrait donc bientôt disposer d'un produit de substitution du sang, utile dans nombre de situations médicales. Ce type de produit pourrait être tout à fait intéressant comme complément thérapeutique à un certain nombre de pathologies extrêmement graves, notamment la pathologie d'urgence. C'est vrai en ce qui concerne les accidents de la route, mais c'est vrai aussi pour les catastrophes naturelles, c'est vrai pour certains infarctus du myocarde ou certaines hémiplégies. Double intérêt de cette hémoglobine. S'il n'y a plus de globules rouges, il n'y aura plus de problème de compatibilité de groupe sanguin. Et s'il n'y a plus besoin de sang, le risque de transmission des virus disparaît. Bon, cet essai, il a fait long feu, Luc Douet. Ben, ce reportage pose bien le problème du substitut de l'hémoglobine. De quoi parle-t-on? On parle d'un globule rouge dans lequel il y a l'hémoglobine et l'hémoglobine transporte l'oxygène. Ce qui nous intéresse, c'est cette hémoglobine. Le sac qui est autour nous gêne, puisqu'à la surface, il y a des systèmes de groupes sanguins qu'on a évoqués tout à l'heure. En revanche, ce sac permet quelque chose de fondamental, c'est d'aller dans la circulation sanguine, partout dans les petits vaisseaux, parce que le globule rouge est une cellule extraordinairement déformable. Alors l'idée géniale qu'on peut avoir naturellement, c'est de se dire retirons l'hémoglobine et injectons l'hémoglobine directement dans la circulation, on aura réglé tous les problèmes. Et en fait, quand on fait ça, l'hémoglobine n'étant pas naturellement soluble dans le sang, ayant un poids moléculaire très petit, elle va passer le filtre rénal, elle va consommer l'oxyde d'azote, elle va précipiter et on va avoir des désordres vasculaires considérables. Et donc, c'est la raison pour laquelle une étude avait été faite sur l'ensemble des substituts transfusionnels qui a montré que le risque d'occlusion, le risque d'infarctus, le risque de décès était significativement augmenté lorsqu'on utilisait ces produits, ce qui fait qu'on a arrêté tout développement et qu'on a développé l'approche dont on vient de parler, qui est la production de globules rouges. Produisons des globules rouges aussi identiques que possible à ceux que la nature fait. Charles Tobelem. Oui, c'était pour dire la même chose, c'est-à-dire que tous ces substituts d'hémoglobine ou d'hémoglobine d'autres natures, y compris des hémoglobines animales qu'on a utilisées aussi, l'hémoglobine bovine, ce sont des produits inefficaces et qui peuvent être dangereux. Donc, il faut impérativement retourner vers la nature et avoir des globules rouges qui transportent l'hémoglobine, dont la fonction va être d'une part de fixer l'oxygène au niveau du poumon et d'autre part, surtout, de la libérer au niveau des tissus, là où on en a besoin. Bien sûr. Un mot tout de même sur l'un des problèmes qu'on a évoqué tout à l'heure avec le sang, c'est celui qu'on entend ici aussi de biocompatibilité, de compatibilité universelle. Est-ce que le sang industriel, le sang artificiel, doit être un sang universel ou est-ce que ça doit être au cas par cas en prélevant sur des patients? Quel est le schéma que vous privilégiez? Alors, c'est tout l'intérêt de l'origine des cellules souches. Si l'on va chercher les cellules souches chez des donneurs dans ce qu'on appelle le phénotype érythrocytaire, c'est-à-dire la répartition des systèmes de groupes sanguins et d'un intérêt particulier parce que compatible avec un maximum de gens, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir proposer un sang qui sera quasi universel, au moins sur une dizaine de systèmes de groupes sanguins les plus immunogènes. Et nous avons fait cette étude de façon très très précise en montrant qu'en France, et on pourrait la faire la même au Japon ou aux États-Unis, avec un seul donneur d'un phénotype érythrocytaire particulier, on pourrait répondre à 95% des situations transfusionnelles. Donc oui, on peut parler de sang universel, entre guillemets, à un petit bémol près, mais pour il y aura toujours un delta de 2-3%. Oui, mais qui, lui, ne pose pas de problème en pratique, ce ne sont pas des systèmes très immunogènes. Et puis les malades polytransfusés qui ont déjà reçu, on parlait tout à l'heure d'anomalie de l'hémoglobine, anomalie génétique, où les transfusions sont malheureusement nécessaires dès la petite enfance. Et ces transfusions, même si elles se font avec des sangs les plus compatibles possibles, finissent par entraîner des immunisations et qui rendent les transfusions ultérieures extrêmement difficiles. Dans ces cas-là, d'autant plus que les personnes atteintes font partie de groupes humains qui ont des groupes rares, dans ces cas-là, d'avoir un sang, comme l'indiquait Ludoué à l'instant, qui soit plus neutre au niveau immunisation, serait une planche de salut considérable. Luc Douet. Alors pour faire un pont avec ce dont on va parler tout à l'heure, la drépanocytose. Mm-hmm. La drépanocytose est un vrai problème de santé publique en termes transfusionnels. Ces patients vivent très longtemps, normalement, quasiment normalement. Maintenant. Et grâce effectivement à une meilleure prise en charge, et ils peuvent recevoir plus de 1000 poches de sang durant leur vie. Mais évidemment, le prix de tout cela, c'est l'immunisation contre ces produits étrangers, comme Gérard Tamalem vient de l'expliquer. Et le sang produit artificiellement, celui que nous proposons, pourra répondre très concrètement à cette situation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ces situations d'auto-immunisation, bien sûr. Peut-être un mot aussi rapidement sur la question des coûts de production. Les coûts de production sont encore potentiellement élevés. Comment faire pour réussir? C'est le passage au stade industriel, évidemment. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on sait faire des globules industriellement. La question est de le faire de façon rentable. Rentable, ça veut dire qu'on pourra se l'offrir si besoin, et que le service médical rendu viendra en conséquence de cela. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est toute la difficulté et tout l'enjeu que de faire tout cela à moindre coût. Donc, les milieux de culture, des facteurs de croissance, les conditions, tout ça, effectivement, c'est l'objet du travail qui est le nôtre. Au plan économique, une poche de sang aujourd'hui, de globules rouges, j'entends, est tarifée d'ailleurs selon des tarifs qui sont établis au niveau national, un peu plus de 180 euros. Donc il faut arriver à faire moins, à faire quelque chose qui soit équivalent, en tout cas qu'il y ait un service médical rendu au moins identique et peut-être supérieur dans certaines indications. Un mot, j'imagine que vous suivez attentivement, Luc Douet, les travaux et les avancées de la concurrence. Il y avait un numéro de Nature qui était consacré, de la revue Nature, qui était consacré justement à faire un peu un état des lieux de cette recherche. On a en Grande-Bretagne une équipe qui est de l'université de Bristol, que vous connaissez certainement, qui a réussi à produire des cellules sanguines dites immortelles. Vous pouvez nous dire un mot de ces travaux? Alors en fait, là aussi, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le choix des cellules souches. Cellules souches hématopoïétiques, cellules souches embryonnaires, cellules souches péripotentes. Eh bien, on voit arriver un nouveau type de cellules souches potentielles qui sont très intéressantes. L'idée est la suivante, c'est de prendre un précurseur des globules rouges, une cellule de la lignée des globules rouges, mais très, très en amont, et d'immortaliser cette cellule pour qu'elle puisse proliférer indéfiniment et de créer un système de déclenchement de maturation à la demande. Et là, on aurait une source illimitée de cellules souches. Et effectivement, aujourd'hui, c'est pas encore très au point, mais c'est une piste très intéressante sur laquelle, évidemment, toutes les équipes de notre type travaillent. Bien sûr. Un autre mot rapidement sur l'érythromère. Racontez-nous ce que c'est, parce que là, c'est du sang en poudre, en quelque sorte. Alors, il y en a plusieurs. Je pense à l'équipe américaine. Alors, cela, je ne connais pas très bien. Je connais mieux Emarina, qui est le ver marin. D'accord. Alors le verre marin, là c'est une équipe française a trouvé effectivement sur la plage de Roscoff un verre marin qui a une hémoglobine d'un point moléculaire qui est 50 fois supérieur à celui de l'hémoglobine humaine. Mmh. Et donc l'idée c'est de pouvoir utiliser cela comme substitut d'hémoglobine. En fait on se heurte au même problème, c'est que ça va entraîner des consommations d'azote, ça va bloquer le rein, mais par contre ça peut être utile pour oxygéner des milieux de culture, pour transporter des organes dans un but de transplantation. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Parce qu'il n'y a pas que la quête du sang artificiel universel dans la recherche sur le sang. On va parler dans cette dernière partie d'émission des vertus théranostiques du sang avec vous, Gérard Tobelen. Expliquez-nous déjà ce que c'est que cette théranostique. Ah, le théranostique, c'est le suivi biologique, le suivi biologique d'un traitement. Pour cela, on fait cela parce que aujourd'hui, dans les nombreuses stratégies thérapeutiques, il y a l'utilisation de plus en plus massive, de plus en plus importante dans plusieurs indications de ce qu'on appelle les biothérapies, c'est-à-dire des médicaments, soit qui sont isolés à partir du sang, du plasma, soit qui sont fabriqués par des usines cellulaires, notamment les anticorps monoclonaux, qui sont utilisés en cancérologie, qui sont utilisés dans les maladies immuno-inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme le psoriasis, comme la maladie de Crohn, bref, de très nombreuses maladies. Les biothérapies représentent aujourd'hui sur le marché mondial un des principaux postes de dépense des médicaments, ce qui veut dire que leur utilisation est de plus en plus large. Alors une biothérapie par un anticorps monoclonal peut avoir effectivement des résultats extrêmement importants dans les maladies que j'ai citées, mais il faut se souvenir qu'un anticorps monoclonal est une protéine étrangère qu'on va injecter à un malade, parce que cette protéine étrangère a été fabriquée par une usine cellulaire et que cette protéine étrangère, après plusieurs mois de traitement, peut engendrer une immunisation, c'est-à-dire que le malade va fabriquer lui-même des anticorps anti-anticorps en quelque sorte. Il va reconnaître le nom soi. Il va neutraliser l'anticorps médicament qu'on lui injecte. Cette neutralisation va entraîner progressivement une reprise de la maladie évolutive et va nécessiter de changer de stratégie thérapeutique. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité de détecter le plus tôt possible cette neutralisation de manière à pouvoir le plus rapidement possible changer de stratégie. D'une part, ça permet de faire des économies, de ne pas utiliser un traitement qui ne sert à rien. D'autre part, ça permet de ne pas avoir à attendre la rechute de la maladie pour le malade. Donc, il y a des kits aujourd'hui, diagnostiques, qui permettent de suivre plusieurs anticorps monoclonaux thérapeutiques, notamment pour la polyarthrite rhumatoïde, pour la maladie de Crohn, mais aussi dans certains cancers. Donc, ceci est une voie intéressante et finalement, c'est une voie qui nous conduit de plus en plus vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée, la médecine de précision, qui va, d'une part, grâce à une meilleure sélection de l'individu, du malade et de sa maladie, le couple malade-maladie, va permettre de mieux choisir le traitement et finalement de mieux le suivre. Et puis il y a un autre graal dans la recherche sur le sang, c'est la possibilité de plus en plus fine, grâce aux techniques notamment de microfluidique, de diagnostics très pointus, de diagnostics très en amont de maladies qui peuvent être des maladies graves comme les maladies neurodégénératives, comme certains cancers. Dites-moi un mot justement de cette recherche en microfluidique. C'est toute la problématique des marqueurs. Il faut d'abord essayer de définir un marqueur. Et aujourd'hui, de très nombreux marqueurs existent pour beaucoup de pathologies. Après, il faut des moyens pour pouvoir suivre ces marqueurs. Et il y a des technologies aujourd'hui qui, grâce à des puces, permettent à partir d'une goutte de sang de tracer 50, 100, demain 200, 300, 1000 marqueurs, voire davantage, et avoir finalement un profil très personnalisé, là encore, on est vraiment dans la médecine personnalisée, très personnalisé du patient devant lequel on est. Et grâce à ce code-barre, en quelque sorte, qu'on va établir, on va pouvoir définir s'il a un cancer à un stade extrêmement précoce, ou une autre pathologie, une infection à un stade très difficile à diagnostiquer. Donc ce sont des outils qui se développent. On peut aussi maintenant faire des analyses cellule par cellule. On parlait des globules blancs. Il y a des technologies par ce qu'on appelle la spectrométrie de masse qui permettent, avec des panels de très nombreux anticorps, de voir chaque cellule et d'identifier une cellule parmi une multitude pour pouvoir la tracer. Donc, toutes ces technologies-là vont alimenter cette médecine de précision, cette médecine personnalisée. Toute la difficulté de la recherche étant précisément de tomber, de réduire le nombre de marqueurs au minimum nécessaire et obligatoire en quelque sorte. Absolument. On en est au stade actuellement défense et illustration, c'est-à-dire que on fait des recherches très très larges, mais progressivement, il faut les affiner, il faut fermer les fenêtres, de manière à avoir des marqueurs qui soient plus spécifiques et plus sensibles. J'ai lu un certain nombre de publications assez encourageantes dans ce sens-là, notamment sur la maladie d'Alzheimer. Donc on sait qu'elle génère une protéine dite bêta-amyloïde et qu'on peut marquer très très en amont que le début de la surproduction de cette protéine commencerait finalement très tôt, et on pourrait, grâce précisément à ces analyses de microfluidique, arriver à diagnostiquer... Tout à fait. Une maladie d'Alzheimer 20 ans avant les premiers symptômes. Voilà, ça commence actuellement à être étudié pour la protéine que vous évoquez, la substance bêta-amyloïde, et pour une autre protéine, la protéine tau, qui est également un marqueur de la maladie d'Alzheimer. Alors, pour l'instant, si vous voulez, c'est encore au stade de la recherche clinique, c'est-à-dire que on étudie chez des malades et non plus dans la souris ou chez la souris. On étudie chez des malades, mais les informations que l'on a ne sont pas encore suffisamment robustes pour considérer que c'est un moyen très fiable. Cette recherche sur les biomarqueurs, c'est un peu, je rejoins ce que je disais en étant tout à fait désagréable tout à l'heure à Luc Douay, en disant ça fait quelques années qu'on nous promet que c'est là que cette micromédecine personnalisée, la goutte de sang sur une puce qui nous permettrait de nous dire pas seulement nos taux de cholestérol et de faire des analyses immédiates, mais de dire ah, attention, il y a un début d'inflammation, il y a un pré-cancer, il y a peut-être une maladie neurodégénérative. On entend depuis un bruit de fond depuis quelques années que c'est juste là que ça arrive, que c'est au bout du chemin, et pour autant ça n'est certains pas encore sont là. Certains sont arrivés, y compris pour préciser l'indication de tel ou tel traitement dans certains cancers, pour préciser certains cancers du poumon, les mutations que l'on va rechercher, le marqueur mutation permet de dire si tel traitement sera plus efficace ou moins efficace. Dans le cancer du sein, pour la prédisposition à certains cancers du sein, certaines mutations permettent de dire il y a une prédisposition très forte, et parfois avec une conséquence qui consiste à l'ablation du sein. Donc, préventive. Voilà, il y a des marqueurs qui sont arrivés au stade d'utilisation. Luc Douay. Une remarque très, très, très générale que ces propos m'inspirent, c'est qu'on va être à la tête d'une masse de données qu'il va falloir gérer. Et effectivement, aujourd'hui, on accumule, et avant de pouvoir prendre des décisions, il faudra être certain de la spécificité et de la sensibilité de cette technique. Donc aujourd'hui, c'est toutes ces choses... C'est la médecine du big data. Et le docteur de demain sera partiellement différent du docteur d'aujourd'hui, car il aura à prendre des décisions sur des données dont on ne connaîtra pas forcément la portée. Un mot, on arrive à la fin de cette émission, peut-être un mot justement, alors on en a parlé tout à l'heure de la recherche génétique, pareil, on a parlé souvent autour de cette table du big data, de la façon dont le traitement de cette masse de données avait changé effectivement la pratique de la médecine certes, mais de l'astrophysique, etc. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter. L'autre grande révolution technique de ces dernières années, ce sont les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9, et on commence à parler de traitement des maladies, justement de la drépanocytose, grâce à des thérapies géniques ciblées. Oui, il y a des outils là maintenant qui permettent d'insérer un gène à un endroit précis, ou au contraire de supprimer un gène à un endroit extrêmement précis, comme des ciseaux microscopiques. Ces technologies vont permettre de traiter certaines maladies génétiques pour lesquelles actuellement nous n'avons pas ce qu'il faut. Nous sommes à une thérapie génique de précision, là encore, par rapport à, au concept de thérapie génique tel qu'on l'avait dans les années 90, où on pensait que ça allait très vite être profitable pour certaines maladies. Donc, nous allons vers des technologies beaucoup plus fines et qui, dans les années qui viennent, apporteront un lot de promesses. Un mot pour conclure, également, puisqu'on parle de médecine personnalisée, vous disiez tout à l'heure, Luc Douet, qu'on ne sera pas notre propre donneur, mais qu'il y a des donneurs qui pourront couvrir 99% de la population. Il y a une littérature assez abondante consacrée aux recherches sur le sang de cordon, dont on a parlé, le sang de cordon ombilical, qui contient un certain nombre de cellules souches. Garder le sang de son cordon ombilical pour traiter potentiellement de futures maladies, vous, c'est une piste qui ne vous paraît pas très intéressante à suivre ? Alors, c'est surtout une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, certaines officines laissent penser que l'on peut collecter chez tout enfant à la naissance le cordon ombilical, le mettre au congélateur à moins 196 degrés et l'utiliser un jour pour traiter n'importe quel type de pathologie. Ce serait de la médecine ultra personnalisée, oui, pour le coup. Oui, sauf qu'aujourd'hui, rien ne permet de le penser. Et puis, les cellules souches pluripotentes dont nous parlons depuis tout à l'heure arrivent. La solution sera celle-ci. Et donc, on ne peut pas laisser penser aux gens que l'on peut acheter son cordon, le stocker et entretenir son stockage pendant des décennies. Donc, ça n'a pas de sens. Et qui plus est, si on devait utiliser ces cellules souches chez un patient qui déclencherait une leucémie aiguë, eh bien, la plupart du temps, si c'est un enfant, les cellules leucémiques sont déjà dans le cordon. C'est en plus une entorse à l'éthique du don. C'est une entorse à l'éthique du don, car cela voudrait dire que l'on va conserver, de façon d'ailleurs payante, ses propres cellules pour soi-même. Donc c'est une entorse à... Moi j'y vois une entorse à l'éthique, très très forte. Et les compagnies qui ont développé ces banques de centres cordons privés sont des compagnies qui font surtout beaucoup d'argent. Un mot pour conclure et pour dire, pour finir, que donc, comme vous le disiez au début de cette émission, pour inviter nos auditeurs à le don du sang, c'est pas une fois par an, c'est le plus fréquemment possible, il faut y aller. Absolument. Nous allons encore avoir besoin de sang natif, pendant encore de longues années. Donc nous avons impérativement besoin de la générosité pour un don qui soit effectivement bénévole, pour un don qui soit anonyme et pour un don qui puisse, par ce lien intergénérationnel qu'il crée entre les jeunes qui donnent et les sujets plus âgés qui vont recevoir, soit un ciment profond dans notre société. Luc Douet, en un mot. Juste un mot. Le sang fabriqué artificiellement va permettre de répondre à des situations de complications de la transfusion et non pas de substitution de la transfusion. C'est-à-dire qu'il va falloir encore donner son sang pendant de nombreuses années. Merci beaucoup à tous les deux. Gérard Tobelem, je rappelle, l'histoire du sang publié aux éditions Perrin. Merci beaucoup à Luc Douet. Et puis, un petit mot pour vous signaler une découverte importante dont on vous reparlera vendredi dans le Journal des Sciences. On l'attendait, on vous en parlait vendredi dernier à 16h, cette annonce, l'annonce d'ondes gravitationnelles qui ont été détectées suite à la fusion, non pas de deux trous noirs, mais de deux pulsars, deux étoiles à neutrons. On va vous mettre tout de suite des liens vers cette annonce sur le fil Twitter de l'émission, et puis on y revient bien sûr dans les prochaines émissions. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, aujourd'hui Clément Daté à la technique, Elisabeth Gornès-Coteau au droit d'auteur. La suite de nos aventures sur France Culture, et ben on va rester un peu dans le même univers, puisque dans quelques minutes, c'est le début d'une nouvelle série documentaire consacrée toute la semaine aux règles, rouges comme les règles, par Juliette Boutillier et Nathalie Battus. Pour ce qui nous concerne, eh bien, demain nous parlerons de ces phénomènes de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, et de ce qu'ils nous disent sur le dérèglement du climat planétaire, les ouragans, les typhons et les cyclones. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.